voudrais quand même préciser quelque chose par rapport à votre commentaire. C'est que là, on a évoqué les situations de docteurs, c'est-à-dire des gens qui ont une thèse, et on parle de la période de recherche d'emploi pour des gens qui souhaitent rentrer dans le marché du travail académique. C'est cette situation qui a été évoquée. On n'a pas parlé de la question du financement des thèses en sciences sociales relativement sous-dotées par rapport à d'autres disciplines, avec une situation très particulière qui est des professeurs d'université, des directeurs de recherche qui acceptent des doctorants sans financement, vu la faible disponibilité de financement. C'est un, à mon avis, un autre débat. Je pense qu'aujourd'hui, on va surtout se centrer sur la question de l'entrée dans la carrière une fois qu'on a soutenu sa thèse, même si je reconnais qu'il y a tout un champ de débat sur le financement des thèses.